Autant en emporte le The Event, dernier chapitre. Épilogue du cul. Tu veux dire que tu vas être incarcéré ? Bah oui, c'est ce que je viens de te dire. Moment éclatant en sanglots. L'amour de sa vie, Patrick Balkany, Alpha Cast, allait partir derrière les barreaux. Il ne pouvait s'y résigner. Tu pourras toujours venir me voir une fois par mois. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas une possibilité. C'était impossible. Ça se peut pas. Eh si. Tu veux dire que les menottes que tu portais au poignet depuis le début n'étaient pas pour... Eh non. Il ne pouvait le laisser s'échapper comme Patrick Balkany avait laissé s'échapper son argent en Suisse. Soudain, la solution lui apparut comme une évidence. Je sais ce que je vais faire. Il se retourna et fonça vers la porte. Il se la prit en pleine gueule, puis l'ouvrit et partit. Alpha Cast, ou Patrick Balkany, le roi des roublards, resta quoi dans son jet Falcon 900 LX. Pendant ce temps, dans le bureau du maire de Levallois-Perret, 92 300, Squeezie se faisait masser les épaules par Juice. Autant vous dire qu'il était aux anges, en italien. Ça fait longtemps qu'ils sont partis, là, non? Vous pensez qu'ils font quoi? Mais ils sont probablement partis faire une OPSP. Quand soudain, la porte s'ouvrit, et Moment se rua vers Zerator. C'est décidé, je raccroche, j'arrête le streaming, j'arrête le gaming, je vais devenir gardien de prison pour rester éternellement avec l'amour de ma vie. Mais enfin, Moment, China number one. Non, Adrien, China number two, China number two. Tous ses amis présents, et Juice, se mirent à pleurer à chaudes larmes. Ils ne pouvaient croire que leur frère d'armes, qui faisait parfois des topins sur PUBG et incarnait le personnage iconique de Marc Danton dans GTRP, allait raccrocher son Intel Core i7-8700K CPU pour les 150 balles. RAM 32Go NVIDIA GeForce GTX 1080 Team LDLC. Tu vas nous manquer, Moman. Toi aussi, Squeezie. Premier YouTuber de France depuis peu et co-auteur du tube Bye Bye avec Joker. Ta relation avec Alpha Cast m'a ouvert les yeux et je suis sûr à 100% à présent que je suis bel et bien de droite. Tant que tu te mets pas au cul féminin, tout me va. Rire colossal. Silence gênant de 8 ans. Moment se tourna vers tous ses amis et Juice, un baluchon sur son épaule. Je m'en vais rejoindre l'amour. Ne soyez pas triste pour moi. Repensez à moi et souriez, car la vie est une véritable tartine de kiff. Salut mon pote. Moment ferma la porte derrière lui et s'en alla vers un avenir radieux à la prison de la santé. Plus jamais il ne mettra du champagne partout sur vos corps. La morale de cette histoire, croyez en vos rêves, les amis. Allez, salut! On se retrouve pour une prochaine aventure. Je m'appelle Nio et j'adore faire du dessin. Oh là là là là là là là! Incroyable! Falcon 900 LX.